C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Elle s'était endormie au pied d'un rosier blanc. Le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc. Le vent souleva sa robe, fit voir son jupon blanc. Et ses belles jarretières roses et son beau cuisson blanc. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Et ses belles jarretières roses et son beau cuisson blanc. Et d'autres choses aussi de bien plus séduisant. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Et d'autres choses aussi de bien plus séduisant. Heureux, heureux celui qui sera son amant. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Heureux, heureux celui qui sera son amant. Heureux, heureux celui qui sera son amant. Il aura le plaisir de lui prendre sa souvent. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Il aura le plaisir de lui prendre ça souvent. Il aura le plaisir de lui prendre ça souvent. De ce que je veux dire, la boucle de son ruban. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. De ce que je veux dire, la boucle de son ruban. De ce que je veux dire, la boucle de son ruban. Malheur à vous, messieurs, qui pensiez autrement. Son voile par ici, son voile par là. Son voile qui volait, son voile qui volait au vent. Son voile qui volait, son voile qui volait.